moi central, ingénieur des sons, Matou Kibambe, Meko. La jalousie est pire que la sorcellerie. C'est toi non? Frère. Naïma Ripolé, papa n'a plus la nuit, l'oïméo. Et y'en en a pas que ça n'a pas eu pas salama y'a bé. Et ça n'a pas eu pas l'ou pas pour fanamba n'a tika. Y'a elle n'a pas n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a n'a. Eric Kenzo, le vrai japonais. Nami Tuninga, il a mon kili nyongo yananyo. Alobana, futa, maswe koleka. Ilobanzambe, kotinka la seko. Mais quand on a petit nana Willy Kosi, c'est bon. Nami Tuninga, il a mon kili nyongo yananyo. Alobana, futa, maswe koleka. Ilobanzambe, kotinka la seko. Jérusalem, basala kaba jaloux, azambe, bakoma bafana. Omo ya mote zali lokola molinga likaya, lelo ya yolo biyama, kukwela ranyinye zambe. Ata na zongi si maloba, naba eba kofinga peko chola ngayi. Jalousie, jalousie, nangai. Okile ni mangai teo, atamba la moko. Maloba mangai nganga na lobata. Atanele, atanele. Tout le monde est plus fufu. Bouboul Yodela, Ege Toyeye, Namodogo Jafango Fere Karela. Baby, baby. Le grand monsieur rajoute à Cali et Malusambo. Olivier, Tito Nale Talambi, Salon Gabriel, le PDG Louis Onema. Je forme la place qui chante.